Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h sur 89.4. Deux heures de son pas comme les autres. Pop Rock, Electro, Reggae, World. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. 18h pile, c'est pas merveilleux ça, c'est réglé comme du papier, comme une montre suisse on va dire, en cette belle fin d'après-midi du dimanche 4 octobre comme d'habitude. Tous les dimanches de 18h à 20h, votre décrochage local avec plein de nouveautés pop rock, c'est évidemment... Allez Philippe, tu peux le dire, c'est quoi le nom de cette émission? Label Rock. Ouais, Label Rock, bonjour à vous tous, et comme le dirait Joe Dassin, ça sent l'été indien quand même, hein. Ça fait plaisir. Ouais, c'est quand même sympa d'avoir un petit peu de ciel bleu par la fenêtre là. Ouais, c'est vrai qu'on est enfermé dans notre aquarium rue de Sully à Rouen et on profite un petit peu des derniers rayons du soleil. Voilà, on espère que vous avez passé un agréable week-end. Pour nous, tout s'est bien passé et on est super content de vous retrouver évidemment. Et puis on a plein de très bonnes choses comme ce tout premier single pour un groupe basé à Glasgow. Et oui, on part encore du côté de l'Angleterre. Trois Écossais, un Américain dans ce groupe qui s'appelle The Pepperplane. C'est sur le label qui s'appelle Lucky Number 6, un single de titre qui va sortir le 12 octobre. C'est notre première nouveauté de la soirée. Première nouveauté de la soirée dans Label Rock, le groupe s'appelle The Paper Planes avec un titre qui s'appelle Doris Day. On vous rappelle que ça va sortir sur le label Lucky Number 6 qui va sortir le 12 octobre. Deux excellents titres pop rock qui nous viennent de Glasgow. Au programme de ce Label Rock pour le dimanche 4 octobre, beaucoup de nouveautés. Et puis, c'est pas souvent qu'on passe beaucoup de chansons françaises. Et ce soir, on va être servi, hein, puisqu'on va retrouver du Miossec, du Kent par exemple, Joachim côté électro française. On se fera un petit souvenir avec Dominica pour l'annonce d'un concert qui va se dérouler du côté de Clermont-Ferrand. On aura des nouvelles de Sylvain Vanneau, Émilie Simon aussi côté chansons féminines. Et puis, un truc sur lequel on a craqué qui s'appelle François and the Atlas Mountain. Ça sera à la fin de l'émission avec un extrait aussi du nouvel album de R qui va sortir demain. Bref, beaucoup de très bonnes choses et évidemment beaucoup d'allers et retours entre... Bon, on va traverser la Manche, hein, souvent. La preuve, on part tout de suite du côté de Liverpool avec 5 Anglais, Dan, Alex, Johnny, Percy et Craig. C'est leur premier album. Ils se font appeler The Cubicle, un album qui s'appelle Come Sing These Cripple Tunes, un album qui est sorti le 28 septembre. Je vous en ai passé déjà un extrait dans cette émission et je vous disais que Dan, le chanteur qui a potentiellement la voix la plus crade du rock depuis Captain Beefheart et Tom Waits, je sais c'est difficile mais je crois qu'il fait encore mieux. Je vous ai dit qu'il venait de Liverpool, ils font du garage rock et Philippe, t'as été faire un petit tour du côté du net, les critiques sont plus qu'élogieuses on va dire. Ouais, bah en fait quand on fait un tour sur le net, on se rend compte que les gens qui les ont déjà écoutés, pour situer un petit peu, bon, il faut imaginer un petit peu un croisement entre les Beach Boys, les Animals et les Troggs. Ouais, voilà, déjà ça annonce sa couleur. Voilà, et en exagérant, enfin en continuant un petit peu si tu veux, pour ceux qui connaissent, c'est un peu plus pointu, les révérends Horton Heat, ouais, voire les Stray Cats et les Stendhals. D'accord, hein, ça situe encore une fois la couleur musicale. Ouais, bien rétro quand même comme et tu m'en as trouvé influence. Une dernière que j'adore. Ouais, bah écoute, je sais pas, est-ce que tu peux imaginer Howlin' Wolf s'il avait avalé un acide, tu vois le délire que ça peut être, hein. Bah écoute, on va plutôt écouter le genre de délire que ça peut être. Pour se rendre compte, il faut écouter, ouais. Bon, allez, le groupe s'appelle The Cubicle, l'album Come Sing These Cripple Tunes, c'est disponible et on s'en écoute un extrait tout de suite. Ça s'appelle Like Me, I'm a Peacock. Stand for family values. Out of the rumbling in your town. Virgin Radio. Pop. Pop. Rock. Sur le 89.4, pas de soucis, vous écoutez évidemment le son de Label Rock. Ça c'est facile à définir ce son, hein. On est parti sur les chapeaux de roue ce soir et on va continuer comme ça jusqu'à 20h. De Cubicle, donc extrait du premier album qui s'appelle Come Sing These Crippled Tunes, un album disponible depuis le 28 septembre. Like Me, I'm a Peacock. Et puis à l'instant, on avait quitté Liverpool pour descendre un petit peu plus dans le sud de l'Angleterre, direction l'est de Londres, avec un groupe qu'on a découvert début 2009, avec un premier maxi, et ils remettent le couvert, ces garçons qui s'appellent LR Rockets. Un single, seulement un titre, hein, c'est un petit 45 tours qui s'appelle René Loves Losers, disponible depuis le 21 septembre. Sébastien aux commandes avec Monsieur Rock en face de moi, pas une grande tenue rock aujourd'hui, on a été faire une petite rando, non, hein. Ouais, voilà, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pas la tenue Label Rock, mais bon... Le cœur y est. Écoute, la musique, là, pour l'instant, c'est quand même bien Label Rock, hein. Bon. Ça part sur les chapeaux de roue, comme tu dis, ça part à fond la caisse. Bon, Philippe en face de moi, Philippe qui a envie de faire une petite dédicace personnelle, pourquoi pas, allons-y. Eh ben oui, allons-y. Juste un petit bonjour à mes deux petites louloutes, Marielle et Marine, qui sont en principe sur la route et qui écoutent, j'espère, l'émission dans la voiture. Voilà, c'est donc, 90 hein, sur la route, hein, même si on a envie d'appuyer un petit peu sur le champignon. Ça dépend les endroits, mais enfin bon, qu'elles soient prudentes. Et ben, si vous m'écoutez, les deux petites louloutes, je vous aime. À bientôt. Bon, et puis si vous voulez nous faire des petits coucous, il n'y a pas de souci. Le mail, évidemment, branché virginradiorouane@orange.fr, virginradiorouane@orange.fr. On va revenir du côté de l'Hexagone avec une autre nouveauté, un extrait du nouvel album des 5 Rennais de Bikini Machine. Bikini Machine, on les a découverts, tiens, il n'y a pas longtemps, au mardi du Grand Marais. Ils sont de retour avec un album qui s'appelle The Full Album, hein, beaucoup d'influences rock'n'roll, soul, rhythm and blues. Justement, tiens, Philippe, quelques infos sur ce groupe qui s'est formé en 2001 et qui a connu une belle carrière, hein, pour l'instant. Bah, ils font un beau petit parcours depuis 2001. C'est vrai qu'ils ont fait leur première trance musicale en 2002. L'année d'après, donc en 2003, ils ont fait leur premier mini LP, hein, on va dire plus ou moins confidentiel. Par contre, la même année, en 2003, ils sont passés également au Printemps de Bourges. Donc tu vas voir que les gros festivals, ils y sont passés. Le premier LP vraiment officiel, c'est en 2006. Et donc, pour continuer dans les gros festivals, les Eurockéennes de Belfort, c'était en 2007. Ouais, ça va pas trop mal en gros, hein, pour eux. Bah, ça peut aller, le parcours est correct. Et puis bon, donc en 2008, là, ils ont rencontré le légendaire frère John Spencer, qu'on ne présente plus, hein. Et donc ils en ont profité pour lui faire produire et mixer une grande partie de cet album. Voilà, donc on le rappelle, le nouvel album des Bikini Machine qui s'appelle The Full Album, sorti prévu demain lundi 5 octobre, et ça sort sur le label Platinum. Et il pose une question essentielle dans la vie sur cet album. Et c'est quoi la question, Philippe ? La question, c'est où vont les cons ? Eh oui, où vont les cons ? Réponse en musique maintenant dans la Bell Rock avec les Bikini Machine. Où vont les cons ? Roanne 89.4 Label Rock. Électriquement très satisfaisant. I must tell you, in the studio we've had some great singers. And now I'm going to sing to you. Ha ha, you lucky people. One, two, three, four. Yeah! On avait l'habitude d'écouter de l'électro de qualité de la part de ce label écossais prénommé Soma Records. Je vous rappelle que c'est ce label qui a découvert les Daft Punk dans les années 90. Et ils avaient l'habitude de signer beaucoup d'artistes techno, notamment on pense à des groupes comme Slam ou alors Funk Devoid. Et ben il faudra désormais compter sur l'éclectisme de ce label écossais qui a décidé de repousser les frontières musicales en signant un artiste de Glasgow prénommé Pablo. Et j'aime bien, j'affectionne ce genre de petit son. Essentiellement, quand il est comme ça, à 18h20 le dimanche soir et qu'il fait beau, ça passe bien. Qu'est-ce que t'en penses, Philippe ? Ouais, c'est assez bizarre, quoi. Ça en passe par plusieurs climats. À la fin, il y avait un peu de guitare rock'n'roll avec beaucoup de reverb, style. Années 50, quoi. On voit un petit peu blues, un petit peu comme ça. Il y a des tas de choses là-dedans. En tout cas, l'artiste s'appelle Pablo. C'est un double album qui va sortir le 23 novembre chez Soma Records. Un album qui s'appelle Turntable Technology. Alors, il y a beaucoup de choses dessus. Hein. Imaginez un mélange un petit peu de breakbeat, de hip-hop, de soul, de chill-out, de musique classique, de rock'n'roll. C'est un peu comme si on avait mis dans le même studio des groupes comme De La Soul, Ennio Morricone et le Cinematic Orchestra. Le résultat, c'est donc un double album, 12 titres sur le premier CD et 15 instrumentaux sur le deuxième CD. Souvenez-vous de ce nom, il s'appelle donc Pablo et vous avez rendez-vous avec lui le 23 novembre. On va rester dans les nouveautés électro cette semaine avec un extrait du troisième album de l'artiste Kelp. L'album s'appelle Cambio Weschel. Je sais pas trop, comment tu prononces ça toi ? Weschel ? Weschel. Moi ouais, je dirais comme toi. Ouais, Weschel. En tout cas, l'album s'appelle donc Cambio Weschel, l'artiste Kelpé. Ça sort chez DC Recordings le 19 octobre. Encore une fois, beaucoup de très bonnes choses. Un bon mélange de genres, notamment du hip-hop, de l'électronica. Il y a même du post-rock dessus. A noter que Kelp, si vous aimez ce son, il sera en concert, en live au festival Sonorama. C'est à Besançon le 10 octobre, avec aussi une date au Sonic de Lyon le 8 octobre. Voilà, Kelp est tout de suite dans la Belle Rock, jusqu'à 20h sur le 89.4. Ça s'appelle Eye Candy Bath. Ah, il n'y avait plus de batterie à la fin. Nouveauté électro dans la Belle Rock cette semaine, c'est Kelpé. L'album s'appelle Cambio Weshel chez DC Recordings. Et on enchaîne avec une autre grosse nouveauté, un extrait du nouvel album des Flaming Lips. Légèrement plus brutiste, on va dire. She dominates. She gets out of her head. As she talks to the ceiling, you can hear what she said. She said, that's the difference between us. That's the difference between us. That's the difference between us. You see, that's the difference between us. Album pour le groupe de rock alternatif américain Flaming Lips. On vous rappelle, c'est un groupe qui ne date pas d'hier puisqu'ils se sont formés en 1983 dans la belle ville d'Oklahoma City aux États-Unis. 12e album qui s'appelle Embryonic. 12e album certes, mais surtout premier double album. Et vous l'aurez compris en écoutant un extrait de cet album que c'est toujours aussi psychédélique et certainement allumé comme on les aime, les Flaming Lips, avec en prime des invités de marque dessus. On retrouve Karen O, la chanteuse des Yeah Yeah Yeahs, et le groupe Management par exemple, MGMT. Voilà Philippe, tu as écouté ce double album et tu confirmes, c'est bien zarbi, ouais, quand écoute, même. Honte à moi, c'est seulement avec ce nouvel album, enfin double album, que je les découvre. Et par contre, c'est vrai que les 18 morceaux ont quasiment tous été enregistrés en prise directe, donc si tu veux un petit peu live en studio. Et bon, ce qui explique le côté pas mal peu... de de bœuf hein, quand même, hein, pas mal de jam. Voilà, ça fait libérer, c'est la jam quoi. Et bon, alors ce qui explique un peu le côté un peu sauvage et bordélique. Ouais. Bon, c'est vrai qu'après, bah, il faut peut-être écouter, réécouter pour se faire, pour se faire plus, son idée quoi. Plus précise, hein. En tout cas, il faudra attendre le 12 octobre pour écouter ce double album donc embryonique des Flaming Lips. On va rester dans les groupes cultes, puisqu'on va écouter un morceau de Prodigy, un groupe britannique de musique électronique formé par Liam Howlett. C'était en 1990 en Angleterre. Un groupe qui fait partie des pionniers de la musique électronique et qui ont atteint le pic de leur carrière, on va dire, dans les années 90, notamment avec le développement des rave parties hein, et de toute la médiatisation qui a suivi, surtout quand elles ont été rendues illégales en Angleterre. Quelques chiffres de Prodigy, c'est plus de 16 millions de disques dans le monde entier, ce qui en fait, et encore à présent, hein, le plus grand vendeur de disques de l'histoire de la dance music. Voilà, dernier album en date, on l'a reçu en février 2009, un album qui s'appelle Invaders Must Die. Il y a toute une série de remixes qui traînent sur l'internet en ce moment, dont un qu'on vous a sélectionné, que j'adore, qui s'appelle Colors, remixé par Darkwave, les Prodigy dans Label Rock. les Prodigy avec un titre qui s'appelle Colors, remixé par Dark Wave. On vous a invité tout à l'heure à nous envoyer des emails, ce que vous faites, et on vous remercie. On en profite pour vous redonner l'adresse, hein, virginradio1@orange.fr. François, justement, à l'instant, merci pour Prodigy, ça fait plaisir d'écouter du bon gros son électro-rock comme ça. Rémi qui nous envoie un email en nous disant continuez comme ça. Est-ce que vous pouvez redonner l'adresse pour écouter le podcast? Bah ça c'est tout simple, hein, c'est www.virginradio1.fr. Vous cliquez en haut sur Label Rock et chaque semaine vous pouvez non seulement écouter l'émission, la télécharger sur vos iPods, vos téléphones portables, etc., mais aussi vous procurer la lien des sites MySpace, hein, de tous les groupes qu'on passe, pour aller jeter une oreille et on l'espère aller télécharger légalement, s'il vous plaît, la musique des artistes favoris de Label Rock. Et puis un dernier qui est arrivé il y a à peu près 10 minutes, c'est Jean-Marc, on t'a pas oublié Jean-Marc. Mardi du Grand Marais, point d'interrogation, quel est le prochain concert? Le prochain concert, ça tombe bien, c'est la semaine prochaine, mardi 13 octobre, du côté de la salle de Riorges au Grand Marais, pour du cabaret rock avec le Maxi Monster Music Show de Paris. C'est un concert subventionné par la région Rhône-Alpes dans le cadre de ses aides au spectacle vivant. Un freak show bouillonnant d'inventions, propre à convaincre les yeux les plus blasés et les oreilles les plus exigeantes. Voilà, je suis en train de lire le petit communiqué de l'or qui nous marque sans décor aucun, mais avec un soin tout particulier porté aux costumes, aux accessoires, au maquillage, au jeu et à la mise en scène. Le Maxi Monster Music Show plante le décor d'un surprenant cabaret musical à l'esprit tant forain que rock. Voilà. La maîtresse de cérémonie est une poupée barbue au charme troublant, tiens, dotée d'une voix remarquable, se prêtant à tous les styles musicaux. Voilà, Jean-Marc. Mardi 13 octobre, file du côté de la salle des Mardis du Grand Marais pour ce second rendez-vous du 10e anniversaire. Nous, on continue avec une nouveauté de Manchester. Le groupe s'appelle The Long Cut. Premier single pour le deuxième album de ce trio mancunien qui s'appelle donc The Long Cut. Le single s'appelle Repeated. Il sera disponible le 26 octobre. provenance de Manchester sur le label Melodic Records. Le groupe s'appelle The Long Cut, premier single extrait du deuxième album de ce trio mancunien. Le single s'appelle Repeated, il sera disponible le 26 octobre. L'album, lui, s'appelle Open Hearts et il sort aussi ce mois-ci, en octobre, produit par le guitariste du groupe Nine Black Alps. Sans aucune contrainte, l'enregistrement de cet album, le groupe qui du coup s'est lâché et s'est fait plaisir, et c'est plus joyeux et plus positif que le premier album de Long Cut. Voilà, on va calmer les choses un petit peu, on va repartir du côté des voix féminines, ça va te faire plaisir Philippe, puisqu'on va parler des New Yorkais de Chairlift. Et pourquoi on parle des New Yorkais de Chairlift? Tout simplement puisqu'ils vont être en concert, en tournée en France en octobre, et ils vont assurer les premières parties du groupe français Phoenix. Beaucoup de dates du côté de la France, je te laisse le soin d'annoncer tout ça Philippe. Avec plaisir. Donc les Chairlift, c'est le 13 octobre au Rockstore à Montpellier, le 14 octobre au Transborder à Lyon, le 15 octobre à la Laiterie à Strasbourg, le 16 octobre à l'Aéronef, ça c'est à Lille, le 17 octobre au Cargo à Caen, le 19 octobre au Zénith de Paris, le 21 octobre au Bikini à Toulouse et le 22 octobre à l'Olympique à Nantes. Voilà, donc beaucoup de très bonnes dates. La mauvaise nouvelle par contre, c'est que tous les concerts sont sold out. Donc on rappelle vraiment les dates pour tous ceux qui sont déjà détenteurs de billets. Il reste plus qu'une date, si vous nous écoutez via le podcast, dépêchez-vous. C'est celle de l'Aéronef à Lille. Et si mes souvenirs sont bons, tu as dit Philippe que c'est le 16 octobre. Voilà, donc première partie, les Chairlift Lift et la tête d'affiche, les Français de Phoenix. Et ce que je propose, c'est tout de suite dans la Bell Rock de s'écouter, pour commencer, Chairlift avec un morceau qu'on adore qui s'appelle Bruises. Et après, on fera un petit retour en l'an 2000 sur le premier album des Phoenix avec un titre qui s'appelle Too Young. Virgin Pop Rock, c'est la Bell Rock. C'est pas mal comme slogan ça. I tried to do handstands for you, I tried to do headstands for you. Every time I fell on you, yeah, every time I fell. I tried to do handstands for you, but every time I fell for you, I'm permanently black and blue, permanently blue for you. Do headstands for you, I tried to do headstands for you. Every time I fell on you, yeah, every time I fell. I tried to do headstands for you, but every time I fell for you, I'm permanently black and blue, permanently blue. Virgin Radio. That made my life what it is. Can't you hear it calling? Everybody's dancing. Tonight everything is over. I can't lie on my bed without thinking I was wrong. That made my life what it is. Can't you hear it calling? Everybody's shaking. Tonight everything is over. J'espère vraiment qu'ils auront l'occasion le 14 octobre avec Chairlift, les Phoenix, de refaire cet excellent premier single, il me semble. C'était sorti en 2000, Too Young. J'affectionne cette petite chanson, je peux la réécouter tout le temps comme ça. On l'a écoutée énormément. Ouais, énormément on l'a écoutée et elle passe toujours aussi bien. Puisqu'on est dans les dates de concert, je vous rappelle aussi la date de Zach Laft et Dionysos. Ça sera le 16 octobre au Centre Culturel Valérie Larbeau du côté de Vichy. Et puis un autre artiste français qui a été à la une de Label Rock il y a quelques semaines, c'est Christophe Miossec. On vous rappelle qu'il y a un nouvel album qui s'appelle Finistérien qui est sorti chez Pias. Un album écrit et composé avec Yann Tiersen. Et lui aussi, Philippe, Christophe Miossec, qui va partir en tournée nationale. Ça sera à partir du 15 octobre. Et une date du côté du Transbo, pareil. Voilà, donc il passe à Lyon au Transborder le 17 novembre. Sinon, si vous voulez aller le voir ailleurs, vous trouverez toutes les dates sur son site officiel. Et Christophe Miossec, tout de suite, dans Label Rock, ça s'appelle Les Joggers du Dimanche. Tout un programme. À quoi pensent les joggers du dimanche quand ta petite foulée, ils avancent à la semaine passée ou celle qui se présente, à la prochaine montée quand ils dévalent la pente. À quoi pensent les joggeurs du dimanche? Calculent-ils les minutes et les secondes qui les approchent de la fin du monde? Est-ce pour quitter le foyer ou la joie d'y retourner? Tous les dimanches, après quoi courons-nous? C'est la question qui nous démange. Tous les dimanches, quoi pensent les joggeurs du dimanche? Regardent-ils toujours la cime des peupliers? Ou bien ont-ils les yeux fixés sur les surfaces goudronnées? Ont-ils en tête l'envie de tuer? Ou est-ce juste l'envie de s'épuiser? Veulent-ils s'alléger de leur poids? Ou ne font-ils que compter, compter leurs pas? Tous les dimanches, après quoi courons-nous? C'est la question qui nous démange. Tous les dimanches, je pense à toi et je pense à eux. Et je pense à nous, et j'ai le cœur qui flanche en pensant aux joggeurs du dimanche, aux joggeurs du dimanche, les joggeurs du dimanche. Je pense à toi et je pense. Refont-ils toujours le même trajet avec leur petite, petite foulée? Finissent-ils toujours par sprinter ou se laissent-ils relâcher? Est-ce que ça soulage leur conscience? Est-ce que ça donne à leur vie un peu de sens? Décidément, de graves questions dans ce programme ce soir. Les Bikini Machines, où vont les cons? Et puis, à l'instant, extrait du nouvel album de Christophe Miossec, à quoi pensent les joggeurs du dimanche? Alors moi, j'ai pas de réponse particulière car je ne fais pas de jogging le dimanche. Mais Philippe, comme tu l'as dit en début d'émission, à quoi pensent les randonneurs du dimanche? Ah, les randonneurs du dimanche? Oui, bah, écoute, à quoi pensent-ils? À pas mal de choses, à la semaine écoulée, à la semaine qui va venir, mais par contre, pour ce qui est des joggeurs, alors là, écoute, je peux vraiment pas te dire, ils courent après quelque chose, après quoi, je sais pas. Bon, Christophe Miossec, hein, qui était à l'honneur de Label Rock il y a quelques semaines, qui nous disait qu'il avait écrit ce texte avant le petit incident de Sarkozy, hein, concernant le jogging, voilà, puisqu'il y a beaucoup de choses... dans l'écriture des textes de Miossec qui sont relatives à sa vie personnelle, on va dire, voilà. En tout cas, en tournée nationale à partir du 15 octobre, on vous rappelle toutes les dates sur son site officiel christophemiossec.com, dont une date au Transbordeur de Lyon le 17 novembre. Je continue avec les questions, Philippe, je ne te lâche point ce soir. Ah, une petite anecdote pour toi. Ok, c'est un chanteur français qui est né à Lyon le 31 mars 1957. Je continue. Il est fondateur d'un groupe rock qui s'appelle Star Shooter, un groupe né dans l'explosion punk en 1977, et de son vrai nom il s'appelle Hervé Despès. Est-ce que ça te dit quelque chose? Bah écoute, honnêtement, son vrai nom je le connaissais pas, mais si tu me parles d'un groupe punk qui s'appelle Star Shooter, ouais. Oui, j'ai effectivement écouté ça quand j'étais vraiment gamin. Alors le leader, comment s'appelait-il? Son nom de scène c'était Kent. Voilà, Kent, un grand ami des Petites Nacelles, tiens, par exemple. Tout à fait, mais je me souviens également d'une superbe chanson qu'il avait fait pour Enzo Enzo qui s'appelait juste quelqu'un de bien. Il a fait pas mal de choses. Hein. Ouais, qui avait cartonné. Hein, il donc, a écrit pour pas mal de monde. Voilà, ils se sont séparés. Hein, Star Shooter en 1982. Depuis, il a fait pas mal d'albums solo. Il s'est consacré aussi notamment à la bande dessinée. Beaucoup d'albums solo, je vous le disais. Un nouvel album solo pour Kent qui s'appelle Panorama. Ça va sortir le 12 octobre prochain. Et ça va te faire plaisir dessus puisqu'on retrouve beaucoup d'excellents compagnons de choix. On retrouve par exemple Arthur Age dessus. On retrouve Dominica, Barbara Carlotti, Agnès Jaoui et l'immense Suzanne Vega dessus. Ouais, c'est étonnant. Ouais, ouais c'est étonnant. Hein. En tout cas, cet album donc sort le 12 octobre. Kent, nouvel album qui s'appelle Panorama. Lui aussi, il sera en tournée en France, dont une date à Unieux. Il me semble que c'est proche de, c'est près de Saint-Étienne. Hein. Tout à fait. Bon, allez, Panorama, c'est le nom de l'album. C'est aussi le nom du single qu'on s'écoute tout de suite. Et la date à Unieux, c'est le 13 novembre, à un endroit qui s'appelle Le Quarto. Tout de suite, Kent dans Label Rock. J'ai des volcans de colère, une mer de la tranquillité, rivière de larmes amères, un rire à fleurir des vallées. J'ai des jardins de tendresse, des recoins de baisers volés, des falaises au bord de l'ivresse, des regrets qui font la marée. Viens, viens dans mon panorama. Viens, viens, je t'attends dans mon panorama. J'ai des souvenirs en cascade, une île dans la solitude, de l'insouciance en promenade, un vague à l'âme dans les Bermudes. J'ai des déserts paradisiaques et des enfers de volupté, un monstre noir au fond d'un lac et l'ironie dans un bosquet. Viens, viens dans mon panorama. Viens, viens, je t'attends dans mon panorama. Un désespoir au-dessus des pôles et l'espérance au pied du ciel. J'ai un océan à franchir pour un continent inconnu. Es-tu prêt à le découvrir? Le regard vierge et les mains nues. Le regard vierge et les mains nues. Regard vierge et les mains. Kent à l'honneur dans Label Rock, nouvel album donc qui s'appelle Panorama, vous l'aurez compris, c'est aussi le nom du single, tout ça disponible la semaine prochaine, enfin la semaine d'après, hein, le 12 octobre. Kent qui va partir donc en tournée en France avec dans la région une date à Unieux près de Saint-Étienne, ça sera le 13 novembre prochain au Quarto. Bougez pas, on revient sur le 89.4 Virgin Radio One Pop Rock avec beaucoup d'autres nouveautés françaises comme Sylvain Vanneau, Émilie Simon, François Andy Atlas Mountain, un extrait du nouvel album de R, bref plein de bonnes choses. Bougez pas, on revient. Label Rock. Label Rock. Électriquement. Très satisfaisant. Virgin Radio, Broham. Virgin Radio. Virgin Radio, Broham. Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h sur 89.4. Deux heures de son pas comme les autres. Pop rock, électro, reggae, world. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Label Rock sur Virgin Radio One 89.4 jusqu'à 20h comme tous les dimanches. Et je vous rappelle que vous pouvez réécouter le podcast de chaque émission sur www.virginradioone.fr et aussi nous envoyer des emails virginradioone@orange.fr. On perd pas de temps, on continue avec un des albums de la rentrée 2009, un album d'un groupe américain qui s'appelle Yacht. L'album s'appelle Sea Mystery Light, disponible chez Coopérative Music. Un extrait tout de suite, ça s'appelle The Afterlife. You have is not what you own. Radio. Virgin Radio. À Roanne, 89.4. Très bonne nouveauté, la première électro-rock avec le duo américain Yacht. L'album s'appelle Sea Mystery Lights. Un album écrit et enregistré dans le désert du Texas, disponible depuis quelques semaines chez Coopérative Music. Et puis à l'instant, retour en France sur le label parisien Versatile Records. Nouvel album du producteur français Joachim. L'album s'appelle Milky Ways. Un album disponible depuis septembre, à noter comme nouveauté sur cet album Joachim qui se met à pousser la chansonnette sur certains morceaux, même s'il a eh ben, besoin du vocodeur de temps en temps, comme sur cet extrait qui s'appelait Add Me. Philippe, j'aime décidément, je suis dans l'humeur à te poser des petites anecdotes comme ça. Allez, on est reparti sur un chanteur français né le 6 octobre 1968 à Provins, en Seine-et-Marne. C'est un auteur-compositeur-interprète français. Il est considéré comme l'un des fondateurs de la nouvelle scène française au début des années 90. Il commence justement au début des années 90 en composant et enregistrant des chansons de manière très minimaliste, quoique dans un esprit vraiment clairement rock. Son premier disque est autoproduit, il s'intitule Un disque sourd. Deuxième album qui s'appelle La Fossette en 1992, produit par le label nantais Lithium, soutenu à l'époque par le magazine Les Inrecuptibles, notamment avec une chanson qu'on va s'écouter dans quelques secondes qui s'appelle Le Courage des Oiseaux, qui à l'époque était devenu un tube underground. Il a sorti cette année son 9e album qui s'appelle La Musique, et son vrai nom c'est Dominique Année. Voilà, c'est facile hein Philippe. Là, avec tous ces indices, ouais, franchement. Bon, alors il faut que je te sorte le nom. Ouais, je t'ai mâché le ouais. travail. Hein. Bah écoute, je pense quand même que c'est Dominique A. Ouais, et tu as raison, c'est Dominique A. Dominique A qui est dans l'actualité parce que bah, son album La Musique, 9e album solo, toujours aussi excellent. Et puis surtout Dominique A qui sera en concert le 17 octobre prochain du côté de la coopérative de mai à Clermont. Et je ne peux que vous inviter d'y aller. Prenez votre réservation tout de suite car Dominique A en concert, je l'ai vu une fois, c'est très très très bien. Tu l'as vu toi aussi, non? Je l'ai vu au théâtre de Rouen, alors je pense que ça devait être au début des années 90, 93, ouais. 94. Et ben, si vous avez la confirmation de ça, virginradio-rouen@orange.fr. Et on revient donc en 1992 avec un extrait, donc cette chanson qu'on aime bien qui s'appelle Le Courage des Oiseaux. C'était sur son deuxième album qui s'appelait La Fossette. Dieu que cette histoire finit mal, on n'imagine jamais très bien qu'une histoire puisse finir si mal quand elle a commencé si bien. On imagine pourtant très bien voir un jour les raisons d'aimer perdues quelque part dans le temps. Mille tristesses découlent de l'instant. Alors, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Tourne ton dos contre mon dos. Que vois-tu? Je ne te vois plus. Si c'est ainsi qu'on continue, je ne donne pas cher de nos peaux. Parfois, qui sait ce qui nous passe en tête? Peut-être finissons-nous par nous lasser. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Si seulement nous avions le courage des oiseaux qui chantent dans le vent glacé. Piqûre de rappel, Philippe, Dominica en concert donc. Oui, donc Sébastien, si tu veux aller voir Dominica, au plus près de chez nous, c'est la coopérative à Clermont-Ferrand le 17 octobre. Voilà, la coopérative de Mai qui accueillera donc ce grand auteur-compositeur français. Et c'est comme Phoenix, on espère qu'il aura l'occasion de nous rejouer ce terrible morceau de 1992 qui s'appelle Le Courage des Oiseaux. On va rester dans cette nouvelle scène à l'époque française. Moi j'aimais bien quelqu'un qui s'appelait Sylvain Vanneau, ça te dit quelque chose ou pas ? Honnêtement, non. Non, d'accord. Alors, ça fait, en plus, ça fait un petit moment qu'on n'a pas de nouvelles musicales de Sylvain Vanneau. En fait, ça fait 7 ans qu'on ne l'a pas écouté pousser la chansonnette. Et comme surprise, le voici de retour depuis le 28 septembre avec un nouvel album qui s'appelle Bethesda. Le chanteur français qui signe là, c'est son 6e album solo et il viendra le défendre sur scène, notamment le 6 novembre au Ninkasi Café à Lyon. Sylvain Vanneau, donc le 6 novembre au Ninkasi Café à Lyon. Un extrait de cet album, ça s'appelle Les Cloches de l'Amour et là aussi c'est du très très très haut niveau. Je m'illusionne, je n'ai jamais persuadé personne. Mais pour Verdict, Philippe ? Bah écoute, c'est bien construit, c'est bien, c'est propre et tout. Mais écoute, entre nous, hein, c'est entre nous, on est à la radio. On est entre nous, personne ne nous écoute. Voilà. Alors je me lâche, tout ce qui est nouvelle scène française, moi ça me déprime un petit peu quand même. Un petit peu déprimant, le nouvel album de Sylvain Vanneau, d'après Philippe. En général, hein, la nouvelle scène française. D'accord. Et ben, en tout cas, ça fait plaisir à beaucoup de personnes, puisque vous êtes 2, 3, 4 emails à nous dire que ça fait plaisir d'avoir des nouvelles de Sylvain Vanneau. On vous rappelle donc, l'album est sorti et il sera sur scène le 6 novembre au Ninkasi Café à Lyon. Un email aussi d'Eric qui nous dit oui, c'est vrai, hein, c'est un petit peu tristouné tout ça d'ailleurs, tu vois, les commentaires vont vite sur le mail de Label Rock. Et bah, pas de soucis, on s'est rappuyé sur le champignon dans cette émission, puisqu'on va parler d'un groupe américain qui s'appelle 16 Volt. C'est en fait le projet d'un musicien américain qui s'appelle Eric Powell, qui depuis 1988 propose du rock industriel. Alors quand je dis rock industriel, c'est que ça, bah ouais, ça bouge un petit peu en général. C'est le genre de musique qu'on écoute dans les films américains en sortie de générique, hein, genre Matrix, ce genre de choses. Voilà. 9e album qui sort ces jours-ci pour 16 Volt. L'album s'appelle American Porn Song. C'est pas moi qui le dis. American Porn Song, 9e album donc pour 16 Volt. Tout de suite, c'est l'heure de brancher les boules caisses. Hein, si vous êtes d'un certain âge, vas-y. Philippe, mêlez. Ça y est. Moi, j'ouvre, je monte l'ampli carrément. Allez, on y va. Virgin Radio. Label rock comme chaque dimanche, éclectisme oblige ou l'art de passer du rock industriel de 16 Volt, 9e album Alkali, l'album s'appelle American Porn Song. Au rock plus atmosphérique avec de l'électro du groupe londonien Dark Captain Light Captain qui avait signé un des albums de l'année 2008. Ça te fait kiffer le genre de nom comme ça, hein, ah Philippe, ouais, hein. Ça me fait toujours délirer quoi. En attendant leur prochain album, donc les Dark Captain Light Captain, on a le droit à un maxi hein, de remix. C'est toujours sur l'excellent label londonien Loaf Records, des remix conçus par les membres du groupe en personne ainsi que par des amis producteurs. Et c'est vraiment un maxi qui est vraiment vraiment magnifique et franchement moi j'ai envie de dire vivement le prochain album, voilà. Dans Label Rock, on a parlé de Miossec il y a quelques semaines. La semaine dernière, c'était une artiste française de Montpellier à l'honneur avec une interview. Nouvel album qui est sorti il y a 2 semaines maintenant, qui s'appelle The Big Machine. Je parle bien évidemment de la très talentueuse et très jolie Émilie Simon. Émilie Simon qui va partir en tournée en France. Ça sera entre novembre, fin novembre et début décembre avec des dates intéressantes dans la région, Philippe, dont une à la coopérative de Mai. Mais je te laisse, pour tous ceux qui nous écoutent via le podcast, vas-y, allez, tu tapes la liste. Ok, pas de problème. Eh bien, écoute, on va découvrir la liste ensemble. Le 24 novembre, donc, à l'autre canal à Nancy. Le 27 novembre, à la laiterie à Strasbourg. Le 28 novembre, à la cartonnerie à Reims. Le 30 novembre, à la coopérative de Mai Clermont-Ferrand. Si tu veux y aller, je suis ton homme. D'accord. Le 2 décembre, à l'espace Julien à Marseille. Le 8 décembre, au 6-4 à Laval. Le 9 décembre à l'Olympique de Nantes, le 11 décembre le Cargo à Caen et le 12 décembre à l'Aéronef de Lille. Voilà donc Émilie Simon, le 30 novembre à la coopérative de Mai à Clermont-Ferrand, ça tombe un lundi Philippe, c'est bon on peut y aller, hein. On se couchera tard, hein. C'est pas un souci. Oui. Ça va être double dose de la coopérative de Mai puisque le 29 novembre, un petit peu de message perso, tiens c'est mon anniversaire le 29 novembre, et il y a un groupe culte, tu vas jamais le croire, qui c'est qui joue à la coopérative de Mai, un groupe punk anglais qui s'appelle les Toy Dolls, et oui. Les Toy Dolls, donc le dimanche alors. Voilà, ouais. Le dimanche, ouais, donc ça risque de sauter l'émission, hein. Il faut se faire plaisir le jour de son anniversaire. Donc le 29 novembre, les Toy Dolls à la coopérative de Mai, c'est à 17h ou 18h il me semble, et le lendemain, le soir, Émilie Simon à la coopérative de Mai, on vous rappelle l'excellent nouvel album d'Émilie Simon, on s'appelle The Big Machine. Un extrait tout de suite, ça s'appelle The Cycle et ça va te faire plaisir parce que ça fait vraiment vraiment penser à du Kate Bush, tu vas voir. C'est parti. Call for me. Émilie Simon de Cycle, tiré de son nouvel album The Big Machine, on vous le rappelle, en concert le 30 novembre prochain à la coopérative de Mai du côté de Clermont-Ferrand. Autre très jolie demoiselle, je voulais dire même, et bah, suédoise ce coup-ci, elle s'appelle Anna Ternheim. Ça aussi c'est pour toi Philippe. De la très belle pop dans la belle rock signée par une jeune chanteuse suédoise de pop rock qui s'appelle Anna Ternheim sur son quatrième album solo Living on a May Day, un album qui est sorti fin d'année dernière et qui lui a valu le meilleur album de l'année et artiste féminin de l'année du côté de la Suède. On va revenir en France avec une nouveauté française du côté de chez Talitres, le label basé à Bordeaux. C'est un jeune musicien né en Charente-Maritime qui a résidé à Bristol en Angleterre en 2003 et qui peu à peu s'est forgé un nom sur la scène locale là-bas. On parlait de Bikini Machine qui a eu un beau parcours, c'est le cas aussi pour François, hein. Il s'appelle François. En 2004 il assure par exemple les premières parties de Gravenhurst, il joue de la trompette au sein du groupe Camera Obscura, il enregistre toujours en 2004 son premier album qui s'appelle Les Anciennes Falaises. En 2005 il réunit des potes musiciens et fonde le groupe François François and the Atlas Mountains, parce que je crois qu'il y a un musicien qui est nomade, qui va du côté des montagnes de l'Atlas, résider de temps en temps quelques mois comme ça dans l'année. Premier album donc en 2006, énorme tournée européenne en 2007. En 2008, il quitte l'Angleterre, il revient en Charente-Maritime et s'attaque à son deuxième album. Et cet album vient de sortir, il s'appelle Plaine Inondable, il est disponible chez Talitres. Et on adore dans la Bell Rock François and the Atlas Mountain, ça s'appelle Be Water. Française du côté de chez Talitres, le label bordelais François Andy Atlas Mountains Be Water, entre parenthèses Je suis de l'eau, deuxième album qui s'appelle Plaine Inondable. Et j'aime bien ce genre de petit son, ce qui n'est pas du tout le cas sur tout l'album. Hein. L'album est vraiment différent, plus posé, plus folk. Voilà, en tout cas, c'est une belle acquisition que cet album. Je regarde l'heure, on est encore à la bourre, hein, 19h58 et 30 30 secondes. On va se quitter avec un petit email hein, quand même. On a mis un petit peu de temps à vérifier les emails. Il y a un petit décalage ce soir. Concernant Sylvain Vano, Hector qui nous envoie J'hallucine. Sylvain Vano, je l'ai connu beaucoup plus mature et musical que ça, genre Birds à la française, carrément. C'est vrai que là, on dirait du Grégoire. Voilà, ça casse. Wouh ! Entre parenthèses. Oui, voilà. Et c'est comme ça, hein, l'internet, hein, l'avis de tout le monde. Hein. Mais c'est vrai qu'il est un petit peu déprimant cet album quand même. On vous quitte en vous rappelant mardi 13 octobre, donc prochaine soirée des mardis du Grand Marais, cabaret rock avec le Maxi Monster Music Show. Il nous vient de Paris. Hein. C'est un concert subventionné par la région Rhône-Alpes dans le cadre de ses aides au spectacle vivant. On se retrouve évidemment la semaine prochaine entre 18h et 20h dans Label Rock. Philippe, merci pour la visite. Un vrai plaisir comme d'habitude. Toujours avec plaisir de mon côté. Bon, bah très aussi. Bien. On remettra ça. Et puis, c'est un petit peu l'orgasme de cette émission, le climax. On va se quitter avec un extrait du nouvel album du groupe français R. On vous rappelle que l'album sort demain le 5 octobre et qu'il s'intitule Love 2. Voilà, R tout de suite. Ça s'appelle Do de Joy. Ça part tout doucement comme ça. Et ça grimpe, c'est du R quoi. Allez, on y va à la semaine prochaine, 18h-20h, dans Label Rock sur Virgin Radio One Pop Rock 89.4. Ciao tout le monde. Bonne semaine à tous. Label Rock, tous les dimanches soirs, de 18h à 20h, 2 heures de son pas comme les autres.